Cette année, Invader Must Die, mais ça faisait plus de 10 ans que les trois membres du groupe n'avaient pas travaillé ensemble en album. Le disque Always Outnumbered, Never Outgunned, qui date de 2004, a en fait été réalisé par un seul membre de Prodigy, Liam Howlett. Mais désormais, les trois membres du groupe sont réconciliés et tout à fait amis, et ils passent cet été 2009 à promouvoir Invaders Must Die. Ce soir, dans l'émission phare, on vous propose un concert qui date de 2008 au festival Oxygen en Irlande. Voici trois titres de Prodigy pour votre bonheur et le nôtre. Sur couleur 3, lecture, papotage, blabla, conseil. Yeah! It's all fucking yours! It belongs to you! We'll be right back. Prodigy sur Couleur 3 pour clore l'émission phare édition 5 août 2009. Demain à 21h, ce sera une heure spéciale Montreux Jazz 2009, la nouveauté de cette année à Montreux.